Donc, comme j'étais en train de mentionner, le troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Depuis 3 semaines, on est en anticipation. Mais maintenant, on voit la lumière au fond du tunnel. Emmanuel arrivera. Donc, pour cette raison, la chandelle ce matin, c'est rose, qui représente la joie. Et en me préparant, Sandy vous a montré certains tableaux la semaine passée. Vous reconnaissez cette partie d'un tableau? Oui? Vous savez? Voilà, oui. Oui. Exactement, de Michel-Ange. Oui. Moi, j'ai pensé que c'est tout à fait approprié ce matin. Oui, c'est vrai, lorsque Michel-Ange l'a sculpté et l'a peinturé dans le plafond de la chapelle du Vatican, ça représente la création. Mais ce matin, à cause de ce que Zacharie dit, lorsqu'il a dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, il nous a visités. J'ai pensé à ça. Dieu nous a visités en Jésus-Christ. Donc, l'anticipation, loin d'être un événement ou une émotion de tristesse, l'anticipation est une émotion de joie. Et pour cette raison, j'utilise aussi la métaphore. Maintenant, le troisième dimanche de l'Avent, on voit la lumière au fond du tunnel. Jésus arrivera. Le texte que Samuel et Joël nous a lu ce matin est, pour vrai dire, la dernière chose qui a été dit dans l'Ancienne Alliance. Malgré le fait que ça se trouve dans le Nouveau Testament, c'est vraiment la dernière chose écrite de l'Ancienne Alliance. Il y a une anticipation dans ce texte, parce qu'une nouvelle époque, une nouvelle ère est au seuil de la porte. Un enfant est né. Mais chose fascinante, dans le chant de Zacharie, il ne célèbre pas le petit enfant qui est probablement dans ses bras. Et il va en parler, mais il célèbre celui qui viendra. Et ce texte ce matin nous invite à contempler. Donc, je suis tellement reconnaissant que Martin nous a fait chanter ce matin le psaume 63. Parce que ce chant, le chant de Zacharie, nous invite à contempler l'immense investissement que Dieu a fait pour l'humanité en envoyant Jésus. Mais dans le chant, Zacharie parle de sa mission. Sa mission qui devient la nôtre. Et notre mission est d'adorer avec joie celui qui vient et en même temps de le servir. Donc ce matin, on va regarder ces deux volets. En guise d'intro, quand Samuel et Joël ont lu le texte pour nous, il y a le préambule qui nous prépare pour le chant. Pensez-y 2 secondes. Élisabeth accouche. On avait entendu parler de sa grossesse. Ensuite, 6 mois avant sa grossesse, Marie a chanté le Magnificat que Sandy a étudié avec nous la semaine passée. Et maintenant, dans notre texte, elle accouche. Élisabeth accouche. Donc, le chant que nous regardons ce matin arrive 6 mois avant l'avènement. Mais regardez la façon que Luc a composé le texte. Regardez à la structure. J'ai fait une analyse structurelle du chapitre premier pour nous mettre un peu dans le contexte. Parce que vous allez voir que loin d'être simplement un médecin, simplement d'être un historien, un géographe, parce qu'il y a beaucoup de géographie, mais il est aussi un rédacteur par excellence. Voici tout le chapitre premier. Mais regardez ce qu'il a fait. Dans le chapitre premier, dans les premiers versets, il y a le narrateur, Luc. Ensuite, Zacharie. Et Jacques il a commencé la série pour nous avec ces versets ici. Ensuite, il y a Élisabeth qui tombe enceinte, la rencontre avec Marie. Ensuite, Marie et Élisabeth sont ensemble. Ensuite, le Magnificat qu'on a étudié la semaine passée. Et maintenant, tombe dans la section qu'on est pour aujourd'hui. Il y a Élisabeth, au début, qui accouche. Les gens de Zacharie, les gens avec Zacharie, qui veulent que le petit enfant s'appelle Zacharie. Et maman a dit « Non! » Et vous avez entendu Samuel quand il a lu le verset ce matin? Et il a mis l'emphase comme il fallait, parce que dans le texte, Élisabeth dit « Non! » Et ensuite, Zacharie chante. Mais regardez, vous voyez la structure? Et je l'ai mis à droite sur la page. A, B, C, D, E, F. Ensuite, ça redescend. E, D, C, B, A. Il y a une structure parfaite dans la façon que Luc a composé le texte. Il y a un terme technique pour ça, on l'appelle une structure chiastique. Mais oublie ça, ça va absolument rien vous servir. C'est une analyse structurelle. Mais juste pour vous montrer que lorsqu'on arrive pour écouter Zacharie, il est bien placé, selon Luc, pour ce qu'il va dire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est rempli de l'Esprit. N'oublie pas, on est dans l'Ancienne Alliance. Donc, le Saint-Esprit a été donné uniquement à quelques personnes, Saül, David, les deux hommes qui ont bâti ou qui ont monté le tabernacle, quelques prophètes, Déborah, mais pas beaucoup. Le Saint-Esprit a été donné à certaines personnes, à certains moments précis, pour certaines tâches. Et Zacharie est le dernier dans l'ancienne époque. Et maintenant, il prophétise. Et généralement, dans l'Ancienne Alliance, les prophéties étaient simplement une façon d'enseigner. C'était une éducation, une explication. Juste 2% des prophéties de l'Ancien Testament annoncent le futur. Mais il annonce ce qui va arriver en 6 mois. Donc, c'est une vraie prophétie pour l'avenir. Il y a 2 phrases dans le texte. Moi, je l'ai divisé afin de nous aider de faire le partage. Mais il y a tout d'abord les versets 68 à 75. Et dans le texte original, c'est une phrase. Zacharie a chanté comme Saint Paul a écrit, avec des longues phrases. Essayez de trouver le verbe principal, bonne chance. Je ne vous souhaite pas bonne providence. Mais il chante. Donc, c'est une phrase. Le deuxième, c'est à partir du verset 76, quand il parle à son enfant. Donc, le chant, c'est juste 2 phrases. Dans la première phrase, il loue Dieu. Dieu est le sujet et il le loue. Car ce que Dieu a racheté son peuple, il a accordé son salut selon ses promesses. Il a délivré son peuple afin que son peuple puisse le servir. Et dans la deuxième phrase, il prend son petit enfant entre ses bras et il parle à son enfant. Regardez le verset 76. Et 3 petits enfants. Et maintenant, il donne un mot d'honneur à son fils, mais pour reprendre sa bénédiction. Regardons les 2 phrases. La première phrase, que j'ai divisée en 2 parties, commence avec une bénédiction. Et il est pour cette raison que, historiquement, on a appelé le chant de Zacharie « Benedictus », parce qu'en latin, ça commence Benedictus, un peu comme le chant de Marie que Sandy a étudié avec nous la semaine passée, commence en latin avec Magnificat. Ce texte commence avec Béni soit Dieu ou Benedictus. Et ce qui est fascinant ici, c'est que nous allons louer Dieu. Nous allons bénir Dieu. Mais regardez, c'est Seigneur le Dieu. Yahweh Elohim. Et n'importe quel juif, en entendant ces deux choses ensemble, aurait tout de suite rappelé de tous les grands événements de l'histoire lorsque le Dieu de l'Alliance et le Dieu créateur agit avec les deux noms. On le voit tout de suite dans la création. Et un juif, en entendant Yahweh Elohim, aurait pensé, oui, le Dieu qui nous a créés. Il aurait pensé à l'Exode, ce Dieu qui les a livrés des méchants Égyptiens. Et surtout, serait rappelé de David, le dernier grand roi. Donc, maintenant, il y a, avec ce rappel des grands gestes de Dieu, des grands événements dans l'histoire, il y a aussi un rappel de tous nos grands espoirs qui ne sont pas encore comblés. Et béni soit ce Seigneur, ce Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il a fait deux choses. Dans le texte ici, ça dit, il a pris soin de nous, il nous a visités. Et quand est-ce que Dieu a visité son peuple dans l'ancienne alliance? Surtout pendant l'Exode. Périodiquement, mais régulièrement, Dieu a visité. Dieu a visité d'une façon époustouflante avec Samuel. Il a brisé le silence. Il a visité avec David. Mais maintenant, nous savons que Dieu n'a pas visité depuis 500 ans. Depuis le dernier grand prophète, Jérémie, depuis Malachie, on vit dans le silence. Et en plus de ça, 90% de nous, les Juifs, se trouvent en exil. L'exil qui représente la honte parce qu'on n'a pas obéi à Dieu. Et maintenant, Dieu nous visite. Et il va nous... Non, pas il va. Il nous a délivrés. Littéralement, il nous a rachetés. Qui représente pour les Juifs le fait que Dieu nous a délivrés périodiquement de nos oppresseurs, mais en même temps, il nous a rachetés de nos péchés. Et c'est exactement ce qu'il va dire au verset 77. En faisant savoir à son peuple que Dieu lui donne le salut, qu'il accorde le pardon des péchés. Et le chant, la bénédiction commence avec qui Dieu est. Mais dans cette bénédiction, regardez comment Zacharie fait le point. Et pour cette raison, c'est une bénédiction. Pour nous, il a fait naître parmi les descendants du roi David son serviteur. Et encore, mettons-nous dans les sandales des Juifs qui écoutaient ce chant. De parler de David était un rappel, le dernier grand roi et son règne. Et maintenant, vous pouvez vivre dans l'anticipation. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sur l'horizon? Et celui qui va faire naître est un libérateur plein de force. L'image qui est dans le texte original, c'est la corne de salut. C'est la Bible du Seigneur. Mais en tout cas, cette traduction ici probablement surtraduit le texte. Mais c'est bien, libérateur plein de force. Mais imaginez un animal avec une corne. Et que représente la corne? C'est la façon de se protéger, la façon de foncer, la façon de tuer. Et il va faire naître un enfant, celui-ci, un libérateur. Et le verset 70 est un peu probablement une parenthèse. Peut-être Luc l'a mis dans le texte, peut-être même Zacharie ne l'a pas chanté. Pour nous rappeler que celui qui va faire naître cet libérateur plein de force, il a été prédit depuis les temps anciens. Et maintenant, les Juifs, en écoutant Zacharie, ils disent, « Oh oui, Isaïe en a parlé, Michée en a parlé, David en a pleinement chanté. Ouh, qu'est-ce qui se passe? » Et cette bénédiction, cette reconnaissance résume l'histoire et qui nous prépare pour l'autre partie de ce premier verset où Zacharie va chanter d'une grande libération. Regardez ce que le libérateur va faire. Tout d'abord, il va démontrer sa miséricorde et deuxièmement, il va accorder sa faveur. Il va faire manifester sa miséricorde pour que nous soyons libérés de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Maintenant, lisez le texte dans le contexte. Jérusalem, Palestine, est en tutelle. Les Romains sont les gouverneurs. On n'est même pas maître chez nous. Et ce libérateur, il va faire en sorte de nous délivrer de nos ennemis et de ceux qui nous haïssent. Oh, ça devient intéressant, mais c'est un acte de miséricorde. Les Juifs attendaient une libération des Romains, mais ils attendaient une libération militaire. Zacharie dit, ça va être une libération miséricordieuse. Et il va accorder sa faveur, une année de grâce. Ça, c'est le jubilé. Ouh, qu'est-ce qui se passe? On attend quelque chose. Mais cette miséricorde et cette grâce dans ce chant ont un but particulier. Et regardez ce que Zacharie chante à la fin de cette première phrase. Cette première phrase qui parle de la bénédiction. Le but de tout ça, le but de ce rappel de David et de son règne, le but de se rappeler de la miséricorde de Dieu qui va nous libérer de nos ennemis, de ceux qui nous haïssent, le but de sa faveur. Verset 75. De le servir sans crainte, en étant saint et juste en sa présence tous les jours de la vie. Mes amis, c'est un chant radical. Imaginez, avec celui qui va faire naître, celui qui va arriver, nous serons capables de servir, et encore l'idée ici est tellement forte, de rendre un culte. Donc, pas un service simplement demain, mais un service de toute notre personne. Et on va le servir sans crainte. Les Juifs, à ce moment ici, vivaient dans une crainte perpétuelle. Et imaginez, pauvre Zacharie, depuis 40 semaines, il était en complète bouche bée. Je me souviens les fois que moi, j'ai perdu ma voix à cause des problèmes de cordes vocales que j'ai. Des fois, je me suis posé la question, est-ce que je vais jamais être capable de parler de façon normale? C'est certaines craintes. Donc, collectivement et individuellement, maintenant, le but de cet enfant, c'est pour que nous puissions le servir, rendre un culte avec toute notre personne, avec toute la communauté, sans crainte. Mais ça va être un service, regardez, en sainteté et en justice, spirituellement et publiquement. dans sa présence. Oh, ce Dieu qui va nous visiter, il va rester. On va être avec lui tous les jours de notre vie. Une autre façon de dire un jour à la fois. Donc, le Bénédictus était une occasion pour Zacharie de prophétiser pour ce qui allait arriver en 6 mois. Maintenant, j'imagine que les gens qui étaient autour de lui, le petit Zacharie, non, Jean, j'imagine que les gens étaient, « Hé, Zacharie, t'as perdu les pédales, toi? Qu'est-ce que tu prophétises sur ton enfant? » Et c'est ça qui est fascinant. Il ne parle pas de son enfant. Il commence de parler de son enfant à partir du verset 76. Mais vous voyez l'anticipation. Vous voyez, le doigt de Dieu est presque prêt de toucher le doigt de l'humanité. Et voici ce que va arriver. Il n'est pas pour rien qu'on allume la bougie rose ou rouge aujourd'hui. Parce que l'anticipation fait naître la joie. Mais maintenant, il ne faut pas oublier le petit qui est entre ses bras. Donc maintenant, la deuxième phrase. Et trois petits enfants, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Oh, j'imagine que les gens étaient maintenant incroyablement contents. Un autre prophète, on n'a pas eu un prophète depuis 500 ans, et un enfant est parmi nous. Et cet enfant, ce prophète, et regardez, il y a quatre verbes importants dans la deuxième phrase. Tout d'abord, pour préparer la route, pour faire savoir le salut et le pardon des péchés. Verset 78, pour faire apparaître ou pour donner lumière. Et quatrièmement, et pour guider nos pas. Voici ce que le prophète va faire. Tout d'abord, il va préparer le chemin. Et encore, tout bon juif aurait dit, « Ah, Ésaïe 40, qu'est-ce que le Messie allait faire? Il allait déchiffrer le chemin. » Et j'imagine que le plus allumé parmi eux ont commencé de faire le lien. Ouh! La première phrase, « Maintenant, ce petit enfant va nous préparer pour celui à qui Zacharie a chanté. » En Ésaïe 40, n'oubliez pas, les chemins étaient préparés de telle façon que les montagnes seront nivelées, les vallées seront montées, les chemins rocailleux allaient être déblayés, les nids de poules seront tout à fait asphaltés. Voici ce que le prophète va faire. Il va préparer le chemin. Deuxièmement, il va nous faire savoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il va faire savoir? Le salut et le pardon des péchés. Et voici ce qui est fascinant dans ce chant. La première partie met l'accent sur les dimensions publiques, les dimensions justice, les dimensions politiques du ministère de cet enfant qui va arriver. Et dans la deuxième partie, cet enfant va aborder les questions spirituelles, les besoins pour le pardon des péchés et le salut. Et pour Zacharie, les deux étaient ensemble. Et pour nous aussi. Troisièmement, pour faire apparaître, et j'aime ça tellement, encore c'est Ésaïe, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Et encore Ésaïe. Zacharie, c'était un bon juif. C'était un bon prêtre. Il était capable de citer l'Ancien Testament. Et cet enfant, elle est préparée. Il est comme en lumière. Même je me demande, mais c'est juste une hypothèse de ma part, mais n'avons-nous pas ici peut-être un indice de ce qui va arriver en 6 mois lorsque la lumière va briller et les bergers allaient voir le bébé. Les sages allaient venir de l'Orient, ils vont suivre la lumière des étoiles. Et maintenant, il va éclairer. Et finalement, pour guider nos pas, littéralement, restaurer nos pas. Et ce petit enfant va devenir un prophète pour préparer le chemin, pour faire savoir le pardon des péchés, pour faire apparaître la lumière, et maintenant, pour redresser nos pas. Chaque fois que l'expression « guider nos pas sur la voie » est utilisée dans l'Ancien Testament, ça représente des décisions éthiques que les gens doivent prendre. Donc, lorsque Zacharie chante maintenant, pour guider nos pas sur la bonne voie ou sur la voie, c'est le temps de prendre des bonnes décisions, mes amis. Et il va nous préparer de prendre des bonnes décisions. Et encore, pour les Juifs qui étaient en exil, pour les Juifs qui vivaient dans la honte de ne pas avoir obéi à Dieu et ensuite de vivre la diaspora, de restaurer nos pas voulait dire de revenir à Dieu et de l'écouter et d'agir d'une façon conforme à sa volonté. Mais ce n'est pas n'importe quelle voie. C'est les voies de paix. Voyez, il commence avec Benedictus. Il termine en nous invitant de suivre, d'avoir une vie éthique, de prendre des bonnes décisions qui promouvoient la paix. Voici ce que Zacharie a chanté. Et le texte est tellement approprié pour ce troisième dimanche de l'Avent, lorsqu'on est plein de joie. Parce que Zacharie nous prépare pour Jésus. Le droit de Dieu arrive à notre droit. L'anticipation est effrayante. Mais voici ce que Jésus allait faire. Voici ce que Jésus nous invite de faire. Il nous invite d'anticiper et de participer dans son règne, de participer dans son royaume, qui est maintenant arrivé. Les doigts se touchent dans 2 semaines. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle époque, la nouvelle ère. Le règne de Dieu est arrivé. Et il nous invite de participer dans ce règne où nous le servons sans crainte, en étant saints et justes, dans sa présence, tous les jours de notre vie. Oh, j'aime tellement cette partie du chant, parce que c'est tellement pratique. Est-ce que je suis prêt cette semaine de servir Jésus-Christ? Donc, 24 heures par jour, parce qu'il est présent, d'une façon consacrée, mais dédiée à la justice. Mais, une seconde à la fois. C'est ça l'invitation. J'ai décidé. Je sais que Sandy avait parlé à Denise, moi, à Daniel, moi aussi. On a essayé de trouver le cantique de Noël qui a été originellement composé en allemand, qui est en anglais. Vous allez le reconnaître, « Joy to the World ». J'ai cherché partout de le trouver en français. J'ai trouvé sur l'Internet, mais la traduction est abominable. Donc, j'imagine que c'était un ordinateur qui l'a traduit. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup le jazz. Donc, en guise de conclusion, on va écouter les Blind Boys of Alabama qui vont interpréter pour nous « Joy to the World ». Prions ensemble. Seigneur, ce matin, collectivement, nous entrons dans la joie de Zacharie qui avait son petit garçon Et il était capable de dire, loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, car il nous a visités et il nous a rachetés. Donc, Seigneur, merci que tu as envoyé Jésus et que nous pouvons entrer dans la joie de Zacharie ce matin. Donc, Seigneur, que cette joie nous habite toute la semaine, mais que ce texte nous rappelle que tu nous invites dans notre joie de te servir sans crainte, en sainteté et en justice, chaque minute de chaque jour cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.